Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. À ma gauche, le Jurassic Park des ondes. Merci. Bob du club. Ah, vous trouvez ça drôle. Bonsoir tout le monde, bonsoir. L'advodka de la station, ah oui. GG. Glou glou glou. Et la caution intellectuelle de l'émission, puisque de nombreux auditeurs sont allés voir son spectacle. Je croyais qu'on parlait pas de mon spectacle. Qui a dit ça se saurait? Ah oui, y a quelqu'un. Et alors, moi j'ai une devinette pour toi. Pour toi, qui c'est qui va te mettre sa main dans ta gueule? C'est Frédéric Coster. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Bonne réponse, ouais. Philippe Bello. L'émission sera réalisée ce soir par Davy. Ah oui. Bravo, ah, Davy, ouais. Merci à toi. Et animée par Philippe Bello. Ah, bah, ça va être bien alors. Alors, notre invité ce soir ne va pas nous faire pleurer, j'imagine. Rien que son accent nous met en joie. C'est Marco Panzani. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Marco Panzani, actuellement au Triomphe avec son one-man show. Pourquoi je suis moi? Ben oui, pourquoi je suis moi? Et ça parle de quoi ce one-man show, Marco? Ben ça parle de, des sujets de la vie, quoi, de, des faits de société. Je me pose la question, pourquoi je suis moi et pas ces personnes-là, quoi. D'accord. Gros. Alors, les textes sont de Marco. Sont de moi. Voilà. Et la mise en scène, on va la citer, d'Elina Dumont. Elina Dumont, grande amie de longue date qui m'aide, c'est un petit moment sur ce spectacle. Bon, alors, dans l'émission, on aura des extraits. C'est on où, espère. Longue date? Pardon? Elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce non, je demandais où c'était longue date, parce que c'est une amie de longue date. Oui. Bah, c'est alors, un petit village. Ah, c'est un petit village. C'est un petit village. Au nord de Marseille. D'accord. Au nord de Marseille. Dans, d'accord. Au sud de Paris. Mon Dieu. Ben oui. Ah, il y a des vedettes. Hein. Oui. Mais on nous les impose. C'est notre contingent. Non, c'est notre pas quota. Pas. Je note. Notre quota. Alors, au Triomphe, donc, à Paris, Maurice n'est pas là pour nous dire ce soir que c'est métro Monge. Oui, c'est rue Blainville. C'est une imitation de Maurice, un animateur qui est là habituellement. Ah, d'accord. On m'a parlé plus souvent de Maurice. Un très vieil animateur. Hein, très vieil animateur. Hein, c'est près des arènes. Pas loin, bravo. C'est pas loin des arènes. Bravo, des arènes. Enfin, de l'arène, parce qu'il n'y en a qu'une. De Lutèce. Ah bah oui, les arènes de Lutèce. Pour, ouais. pour les connaisseurs, quoi. C'est vrai. Et tu connais, bon, pour les connaisseurs. Tu, ouais, tu bah. Connaissais les arènes de Lutèce à quelle oui. occasion, Bob? Bah, parce que parce j'ai qu'il joué a été gladiateur à l'époque. Voilà, j'étais gladiateur. Oui. T'étais gladiateur. Gladiateur. Oui, alors. Excusez-moi, il faut que j'aille vomir parce que j'ai eu une vision de Bob en toge avec un sabre. Heureusement que Maurice n'est pas là. Hein, oh là là. Oh là là. Ah bah non, bah alors là, s'il fallait en plus imaginer Maurice avec une toge et un trident et une jupette, alors non, là, c'est fini. Miss France n'a qu'à bien se tenir. Oui, bah alors qu'elle se tienne bien. Alors dans l'émission, tu vas voir Marco qu'il y a des épreuves. Oui, mais cette émission est une épreuve. Des épreuves physiques. Non, pas encore. Et des questions. Ah. Des questions. Et puis on aura aussi normalement des extraits du spectacle éventuellement. On va voir si je suis en forme. Bah, il faut. Et on attaque. Alors la première épreuve, c'est que dans l'émission, il y a deux équipes. La tienne avec Frédéric Coster. Et l'équipe de Bob du club et GG. Donc, on demande toujours à l'invité d'avoir l'amabilité de bien vouloir baptiser ses équipes. Ah. Trouver un nom qu'on puisse suivre plus facilement. Alors, les noms sont souvent très recherchés. N'importe quoi. Ah oui, bien sûr. Ah d'accord. Surtout n'importe quoi. De préférence. De préférence. Oui. Bon, nous, vu le physique qu'on a avec Frédéric, je peux dire le poids. Non. Non. Pardon. Les super légers. Les super légers, oui, mais c'est un beau nom. C'est sympa, hein? C'est très bien. Une équipe hein de poids. Alors, les super légers. Les super légers, et. Je sais pas, on peut dire en face les. Comment dire. Bob n'est pas susceptible, là, tu peux y aller. Allez, Léo, tu peux y aller. Lâche-toi. Oui, on s'en fout complètement. Les marres de vivre. Bon, bah, je m'en vais. Ça va, ça? Bah, c'est parfait. Ah non, c'est parfait. Je les ai soignés, je connais pas, mais excusez-moi. Alors, c'est parfait, ça va nous permettre. Je vais sauter du balcon. Ça va nous permettre de poser sera contente. La première question. Ah. Une question à laquelle Frédéric Coster va peut-être pouvoir répondre alors, rapidement. Marco, il y a des points, hein, donc faut répondre. C'est rapide alors. C'est une question pour Frédéric Coster. Peut-être. Ah. Question de géographie. Ah oui, je m'y connais. Quel pays possède le plus grand nombre de salles de cinéma au monde? L'Inde. Non. Ah. La Russie. La Chine. Bonne réponse de Bob Duclos. Ah, bravo. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, c'est une institutrice qui demande à ses élèves de nommer des choses qui se terminent en heure et qui mangent des choses. Alors, le premier dit « Prédateur, madame ». Oui, très bien, mais comment? Mais oui, parce que ça mange ses proies. Ah, parfait. Bob. Oui. Oui. Aspirateur. Ah, oui, oui, oui, oui. Oui, parce que ça mange la poussière. Ah, très bien. Bon, GG. Vibromasseur. Ça ne m'étonne pas. Enfin, je vois pas, ça m'a vibromasseur, ça mange rien. Ah si, ma grande sœur en a un et elle dit que ça mange les piles à un rythme effrayant. C'est léger ce soir, je sens. Une belle-mère tombe dans un puits. C'est con, hein. Des fois, ça arrive, ça. Malheureusement, ouais. Son gendre arrive et lui lance une bouteille de whisky en ricanant. Tiens, buvez ça, ça vous remontera. C'est un génie qui va voir un noir et qui lui dit « Tu peux faire 3 vœux. » « Ah oui, c'est bien. Alors, je voudrais être blanc, ne jamais manquer d'eau et voir du cul, du cul, du cul. » Pouf! Il le transforme en bidet. En l'honneur de notre invité, une histoire du Sud. Ah, avec l'accent de Don Camillo. Avec l'accent de Don Camillo. Ah, peu cher. Si j'avais écouté ma mère quand j'étais petit. Ah, ben peut-être, ouais, qu'est-ce qu'elle te disait? Eh, je sais pas, j'écoutais pas. Attention, voici la blague de Marco Panzani. Alors, moi, c'est pas une blague, c'est juste un petit truc que je voulais demander à Frédéric. Est-ce que tu as des photos de ta femme nue? Ah non. Tu en veux? Bon, eh bien, vous avez compris, c'est bien parti. C'est donc, possible. Oui, donc on va revenir dans quelques instants. Ah bon? Oui, pour la suite de l'émission, avec la première épreuve et la présence exceptionnelle de Marco Panzani. Oui, oui. Retour, on va se marrer. Oh là là, le public est en forme. Avec Marco Panzani. Oui, oui. Oui. Oui. Alors Marco, avant la pause, je t'avais informé de l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, c'est l'épreuve du trivial. Ah. Elle est assez ah. simple. 2 cartes prises au hasard dans la boîte de jeu. But du jeu, répondre au plus grand nombre de questions en un minimum de temps. Oui. L'équipe qui donnera le plus grand nombre de bonnes réponses de sa carte en un minimum de temps marquera oui. le point. Donc il y a 6 questions par carte, 1 carte par équipe. Bob, je te propose de choisir la carte numéro 1 ou la 2? Non, non, fais choisir à l'invité, après je regrette toujours. La 1 ou la 2? La 2. Alors la 2, ça sera pour Marco et Frédéric, mais on va commencer quand même par l'équipe. Ah oh oui, d'accord. L'équipe, oh, oui. les marres de vivre, hein, donc on vous rappelle. Ah, les marres de vivre, voilà, oui. Oui, oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous non. rappelle ouais. juste que la dernière fois, vous aviez gagné à ce jeu-là. C'est vrai. Ouais. Mais à ce jeu-là, on gagne tout le temps. C'est aux autres. Ah oui. Oui. Qui sont oui. formatés pour mais toi. Mais là, t'as pas Maurice ce soir, donc tu vas peut-être gagner ou deviner c'est gagné. Peut-être. Qui sait. Est-ce que tu es prêt, Bob? Oui. Attention, le chronomètre alors, est prêt. Nous, on peut pas répondre. Ah voilà, c'est eux qui répondent, bien ou mal, oui. en un minimum de temps. Et Bob, oui. qu'est-ce que tu me dis quand... Alors, quand c'est notre réponse, on dit c'est notre réponse. C'est parti. Sinon, c'est qu'on discute avec GG. Quel est le plus grand lac d'Europe centrale? C'est pas le lac Léman. Oui, la je... D'Europe centrale. Balalaika, là, comment il s'appelle donc là? Balalaika. Europe centrale. Oui, oui. C'est en, le principe Balalaika, du jeu, c'est en un minimum de temps. Hein. Non, on va dire Balalaika. Non, c'est le lac Varnhem en Suède. Ah, bah, quel ah est... oui. Quel est le film japonais dont les protagonistes sont 2 stars du rock'n'roll? Aucune idée. Il bah, y a le truc qui a tourné Johnny Hallyday là, avec le japonais, là, mais je ne sais plus le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. Réponds vite. Hein. Le... Pas, ouais. Non, vous ne voyez pas? Ah non, pas du tout. C'est Furio. Ah oui, Furio, non, avec, l'extraterrestre, oui. Qui Bonaparte a-t-il honoré du titre de premier grenadier de la République? Vous avez dit oui. Bah Bob, David Bowie. Oui. David Bowie, c'est ta réponse? Oui. La Tour d'Auvergne. Ah oui, c'est bien. Qui est l'auteur qui de l'histoire de la Révolution française? Ah oui, ça je sais. Je sais pas. Qui c'est qui aurait pu écrire ça? C'est en un minimum de temps. Hein, Monterland. Monterland. Michelet. Oui, Michelet. Oui. Je l'ai. Qui est le mathématicien qui a élaboré la théorie des catastrophes? Ah oui, oui, oui. Tu sais l'histoire de la biscotte qui tombe toujours côté feu. C'est l'effet. Michel Serrault, Zaza Napoléon. Non, je sais pas. On passe. On sait pas. Vous savez pas. Et on s'en fout. René Thom. Ah non, ah bah non, oui, non, ça ne dit rien. Et enfin, quel sport est à l'origine du jeu à 13? Le rugby. Bonne réponse. Oh, ils ont répondu. Alors, oui, enfin bon. Oui, alors tu vas dire, tu allais dire. Oui. Donc on va voir les questions qu'il va vous poser. Il est mauvais joueur. Oui, en faut deux te minutes. Dire, faut te dire, Marco, que Bob est très mauvais joueur. Oui, alors en deux minutes. Donc oui, ça m'énerve, mais puis c'est tout. Pourtant, c'est une éponge. Hein, alors, c'est une éponge pour ah toi. Oui. C'est Bob l'éponge. Bob l'éponge. Toi, la bonne pomme. C'est son foie qui est une éponge, surtout. Oui. T'as déjà visité Marseille, Bob, non? Oui, je suis allé une fois, oui. Ah. J'ai été bloqué dans le port comme à cause de la sardine. Ah oui, t'appelles la sardine depuis. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, alors la deuxième carte. Donc, Philippe, excuse-moi. Mais je l'ai vu en photo, la fameuse sardine qui a bloqué le port de Marseille. Parce que c'est une vraie histoire. Oui. C'est un bateau qui a coulé dans l'ouverture du port. C'est le bateau qui s'appelait La sardine. La sardine, ouais. Il y a un tableau... Enfin bon, excuse-moi. Non, pas du tout. T'es cru sur Arte ou quoi? Là, c'est l'Arte. Arte. Ah ouais. Donc, Philippe, si je comprends bien, il suffit qu'on réponde à deux questions pour marquer le point. Voilà, deux bonnes réponses en moins de deux minutes. Minutes, oui, voilà, bien sûr. Oui, bien sûr. À l'impossible, nul n'est faisable. Oui. Alors, deuxième carte, en rappelant quand même que Bob a laissé Marco choisir sa carte. Oui, ah oui, bah oui. Tu ne t'en prends qu'à toi-même. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Enfin, parce que est truqué quand même. Attention. Les mauvais choix. Oui. Les mauvais choix. En moins de deux minutes. Hein. Oui, en moins de deux minutes. C'est parti. Laquelle de ces trois villes est plus à l'ouest? Dublin, Glasgow ou Lisbonne? Et à l'ouest de quoi? Le plus à l'ouest. À partant d'où? Dublin, Glasgow ou Lisbonne? Allez, vas-y, je te laisse là. Allez, Lisbonne. Eh bien, c'est Lisbonne. Bonne réponse. Ah, bravo. C'est évident que c'est un pied. Bah oui, c'est évident. Quel est le plus beau de tous les tangos du monde? C'est celui que je dansais avec toi. Bonne réponse. Qui succéda à. Fort, hein. Ah, bah oui, bonne réponse. Ah bah donc, oui. Déjà, c'est gagné. Bon, on arrête là. Pour le fun. Qui succéda à Jules Grévy? Ah, qui c'est qui a succédé à Jules Grévy? Son successeur? Oui. Oui, c'est Sadi Carnot. Ah, oui. C'est Sadi Carnot. Oui. Qui a sculpté les tombeaux des Médicis à Florence? Un sculpteur? un sculpteur italien connu. Ah, Michel-Ange. Bonne réponse. Michelangelo. Combien d'années après le mariage célèbre-t-on les noces de cuir? Les noces de? Cuir. Oh, j'ai eu peur. Les noces de cuir. 5 ans. 2 ans. Et enfin, une question à laquelle Bob aurait pu répondre. Quel est le tissu à carreaux remis à la mode par Brigitte Bardot? Ah oui. Le tweed. Non, le Vichy. Ah, le Vichy. Ah, oui, c'est le Vichy. Le carreau Vichy. Eh bien, vous avez quand même gagné, puisque vous avez de toute façon marqué 3 bonnes réponses. Le point va à l'équipe des super légers. Oui. Ah oui, je me marre. Oui. Ouais, nous aussi. Tu peux arrêter de faire du bruit avec tes doigts. Oui, c'est oui. Bob qui dit à sa femme, oui. F, tu te souviens quand tu étais jeune? Oui. Tu te souviens, tu rêvais d'une chose? Oui, oui, oui, oui, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot. Oui, ben maintenant c'est fait. Eh, les écoute pas, c'est des malins. Ouais. Elle écoute malins. L'émission, ta femme ou pas? Ça y arrive. Ah ouais. Ouais. Faudrait qu'on en parle. Frappe. Faudrait lui en parler plus souvent. Oui. Oui. Bon, alors attention. Ta fille aussi écoute. Ah, à ta fille aussi. Ah bon, on peut en parler aussi. Ta fille. Attention, voici la deuxième tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors c'est un écolo qui se promène dans la forêt et qui voit passer un poussin plein de merde. C'est ça le poussin. Alors il le ramasse et puis comme il a des Kleenex, il les suit quand même pour le laisser repartir propre. Et puis d'un seul coup, il voit sortir d'un buisson un deuxième petit poussin. Plein de merde. Alors il le ramasse aussi, il le réessuie avec un autre Kleenex, ploum. Et alors à ce moment-là, ploum, un troisième poussin, toujours plein de merde. Ah, vous y étiez aussi. Alors il reprend un Kleenex, etc. Et comme ça, ça dure une dizaine de poussins et tout le paquet il passe. Et là, il n'a plus rien. Alors il regarde quand même ce qui se passe dans le buisson. Et puis il voit dans le buisson un mec accroupi, le pantalon sans les chaussures. Alors c'est toi qui dis ça. Il le voit et puis il y a le mec qui dit: ah, excusez-moi, mais vous n'auriez pas un Kleenex? J'ai plus de poussin. Oh. Non, mais n'applaudissez pas. N'applaudissez pas. Merde, j'ai perdu mon histoire. Bon, ça, c'est au cours d'une croisière. Là. La tempête fait rage. Sur le pont, le bateau s'approche une dame près du bastingage. Alors, il y a un mec qui vient le voir et dit: madame, avec les vagues qu'il y a ce soir, vous pourriez vous mettre à l'abri, ça serait mieux. Il y a un mec qui est derrière la petite dame et il dit: donc, occupez-vous de vos affaires, vous. C'est ma belle-mère à moi. Voilà. Une blague de Frédéric Costet. Alors, c'est surtout, Maurice n'est pas là, donc je vais essayer de le remplacer avantageusement. Je demande, ça commence. Ah. Le président du tribunal s'adresse à l'accusé. Quel est le mobile de votre crime? Pourquoi avoir poussé votre femme sur les rails au moment où le train arrivait? Ben, elle ne m'obéissait jamais. Alors j'ai voulu la mettre sur la bonne voie. Oh là là là là. Tu comprendras pourquoi tout à l'heure, parce que tu auras droit quand même à une mini blague de Maurice. Ah d'accord. Alors la blague de Marco Panzani. Alors moi, c'est un mec qui rentre dans un bar et il demande au barman un pastis avant que ça commence. Il est en colère. Donc le mec, il sert, il le regarde. Le mec, il boit son pastis. Et il dit: resserre-moi un pastis avant que ça commence. Le mec, il commence à avoir peur. Il boit son pastis. 5 minutes après, un pastis avant que ça commence. Il le boit, il s'en va. Et le barman, il dit: oh, et le pastis, tu ne les payais pas? Et voilà, ça commence. Allez, on revient dans quelques instants avec la suite d'On va se marrer et Marco Panzani. Retour d'On va se marrer avec ce soir Marco Panzani. Ouais. Marco à l'affiche du Triomphe à Paris. Alors, quelques questions, parce que Frédéric Coster connaît mon talent d'intervieweur, vraiment, qui est reconnu. Donc, dans 2 secondes, il va rire. Des questions toutes bêtes, très qui vont intéresser nos auditeurs. Est-ce que tu prépares tes questions? Oui. Ah oui, mais attends, j'ai préparé pendant la pause musicale. Alors, j'ai 6 questions. Si j'étais. Alors, si tu étais un animal. À moi? Oui. Non, pas Frédéric Coster. Frédéric Coster, on connaît. On connaît la réponse. Oui, on sait ce que c'est. Oui. On attend de perdre Frédéric. Oui, Frédéric, voilà. Je poserai la question après à Frédéric pour avoir une réponse, mais. Alors, donc, cher Marco Panzani, si tu étais un animal. Une mouche. Une mouche, pourquoi une mouche? On peut rire, hein. Oui, ah bah oui, heureusement. Oui, pour voir ce qui se passe partout, quoi. Ah oui. Ah, ah oui. Ouais, c'est curieux. Et Frédéric, toi, si t'étais un animal? Moi, je serais un zébu. Ah bon? Ah? Pour un cétacé? Ah? Ben non. Un zébu? Bah oui. Pourquoi un zébu? Ah bah attendez, vous allez voir la réponse, parce que vous allez voir la réponse avec Maurice. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? Le zébu. Ah? Car quand j'ai bu, j'ai... Non. Et voilà. Et voilà, on en était sûr. Quand zébu, j'ai plus soif. Voilà, c'est pour ça que je l'ai foiré. Oh non, mais c'est pas vrai. Voilà, dans ces cas-là, comme l'émission a un peu de montage, et donc forcément, on va demander à Maurice de la refaire, mais on va faire comme si on était les surprenants. Ah, d'accord. Oui, non, parce qu'il faut que tu la réussisses. Vas-y. Alors, Maurice, une petite blague. Ah, j'en peux plus. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? Vas-y, Maurice. Le zébu. Ah, bon, pourquoi? Car quand j'ai... Non. Quand j'ai... Non. on va décomposer, comme oui, toi. Quand, vas-y, Maurice. Quand rassemble-toi. Quand j'ai... Non, non, attends. Quand Zébu. Zé plus soif. Voilà. Alors maintenant, vas-y. Alors, là, alors Boris. Ah, donc une blague de Maurice. Ah. Merci Maurice. Une nouvelle, hein, Boris. Oui, oui. Non mais une nouvelle, hein, parce que sinon ça va pas être drôle. Ah bah oui. Ah, une nouvelle. Non, non. Oui. Ah, une nouvelle. Quel est le numéro ah des non, marques? Mais non, la nouvelle, la nouvelle. La nouvelle blague. La celle-là, la nouvelle, oui. Alors. J'ai bien fait de la sortir des archives, celle-là. Bien fait, Maurice. C'est la chose que tu as bien fait de sortir. Alors. Du mois de juin. Des archives. Tu sais qu'on en enferme en psychiatrie pour moins que ça. Lui, c'est sauvé. Hein. Ouais. Bon, je peux y aller, là. Oui, oui, ah, oui, parce qu'on ne la connaît pas. Attendez, une blague, une nouvelle blague. L'antenne est pour toi, Maurice. Ça sera coupé, au moins. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, y a un monde, oui, bien sûr. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? C'est-à-dire que si on continue, il va foirer quel? Non, à ta place, Maurice, moi j'aurais dit savez-vous. Non. Mais c'est, si. Non, non, mais non, si, non. Mais c'est comme ça on répond. Oui. Allez, alors Maurice, une petite blague. Savez-vous quel est l'animal qui n'a jamais soif? Ah non. Non. Non, non, non. Le zébu. Bah bon, oh bon. Car quand zébu, j'ai plus soif. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Bravo, Maurice. Allez. Bon, il n'est pas là ce soir, hein, mais... Oui. Mais là, il était à fond quand même. Hein. Bon, oui. Alors... Où que tu sois, reste oui. Alors, suite du questionnaire pour non, Marco Panzani, Maurice, quand même, si, hein. si tu étais une banque... Une banque. Enfoiré. Ah bah, le CIC, hein. Le CIC. Oh, ouais, bah, oui. Bah oui, mais il faut dire pourquoi, Bob. Ah. Parce qu'on le voit plusieurs fois par jour. C'est lui qui fait la pub, qui branche, là. Qui branche avec quoi? Le SAS. Ah, qui branche le jeu avec le SAS. Et là, le travail. Je vais demander une rallonge au CIC, par contre. Tu sais, il voulait peut-être pas qu'on en parle. Ah, peut-être non, elle est bien, la pub. Elle est bien. Ah, je... elle est bien. Ah merci. Ah, le banquier, il a une bonne tête à claque. Hein, ah, le banquier, oui, c'est un gagnant. Il est très sympa, quand même. Ah oui. Ouais, très sympa. Alors, est-ce que si tu étais un héros de dessin animé, Gros Minet. Et toi, Bob? Si j'étais un héros, héros de dessin animé. Ah bah, s'il prend Rominet, moi je vais être Titi. Hein. Ah ouais, t'as vu la tranche du poussin, dis donc, il a bien mangé le poussin. Titi contre... Rominet, c'est génial ça. Mais ouais. Et alors, si tu étais un mot Rominet. Impossible à prononcer. Anticonstitutionnellement. Je sais, c'est le plus long. C'est le plus long. Oui. Et toi, Bob, tu peux lui répéter le mot qu'il te dit? Ah ouais. Anticonstitutionnellement. Oh là là. Oui. Moi, je peux le dire aussi. Oui. Sarkozy. Ségolène. Oui. Ah c'est oui. Moins drôle, c'est bizarre. Ça. Ah, si, Ségolène, c'est royal. Non, Ségolène, c'est pas impossible à prononcer, c'est impossible à élire. C'est différent. C'est vrai. C'est vrai aussi. Oui. Ça, c'est bon, ça. Oui, bah méfie-toi, toi. Bon, alors, deuxième épreuve de l'émission. C'est le deviner, c'est gagné. Alors, le deviner, c'est gagné, c'est un jeu très facile. J'ai inscrit au hasard et. Je pense comme c'est au hasard. Des mots anodins. Ah oui. Oui, anodins aussi. Sur des papiers. But du jeu étant de faire découvrir le mot au partenaire de son équipe. Alors, pour que tu te rends compte comment ça fonctionne, on va par exemple donner un mot à Gérard, qui va donc essayer de faire deviner ce même mot à Bob du club, avant vous. Parce qu'en fait, il va dire un mot. Pour synonyme Bob. Ou un mot qui pourrait faire deviner à Bob. Si Bob ne trouve pas, la main passe, il va nous dire un mot à nous. Voilà. Etc. Si nous, on ne trouve pas. Etc. Etc. Et il ne doit dire qu'un mot à chaque fois. Un seul mot à la fois, pas de phrase. Il n'y a que lui qui répond pour l'instant. Là, alors il va nous le dire. Au début, c'est Bob. GG, est-ce que tu choisis de faire commencer Bob ou l'équipe des super légers? Les super légers. Commencer Bob. Alors, Bob. Oui, mon GG. Inconnu. Inconnu, soldat. La main passe. Pour l'équipe des super légers. J'aurais dit soldat aussi, tu vois. Donc un deuxième mot, toujours trouver le même mot. Insignifiant. Insignifiant, tu as dit donc. C'était quoi avant? C'est qui inconnu, insignifiant. Qu'est-ce que ça pourrait être, Marco? C'est toi qui réponds ou c'est moi? C'est oh, deux, c'est deux. On se concerte. Et... Ah, inconnu, c'est deux. On se concerte et il faut qu'on ait une réponse. On se concerte. Inconnu, insignifiant. C'est les mots que... Trois. Je sais pas si quelqu'un a trouvé et qui téléphone. Hein. Vite. Inconsistant. Allez. Ah. Ah, non. Non, Gérard, était... non, t'es pas obligé de faire voir ton mot à Bob non, discrètement. Non. C'est surtout que t'es pas obligé d'avoir l'air d'avoir envie de te jeter par la fenêtre. Non. Alors un troisième mot oui. pour Bob du club. Ah oui, ça y est, je sais. En sachant que Bob du club, bien sûr, n'aime pas perdre. Hein. Ah oui. Non, je le rappelle. La pression est sur tes épaules, Gégé. Voilà. Célèbre. C'est dommage qu'on soit pas à la télé. Vous voyez la tête de Bob. Et célèbre. Marc, t'as pas Maurice, mais t'as pas perdu au change. Hein, au niveau du deviner, en fait, c'est gagné. Dis des mots pour qu'on trouve pas, quoi. C'est ça. Bourdon. Dans le micro, fait partie des inconnus. Ah, Didier Bourdon. Ah, Didier Bourdon. Ah, ouais, ah, d'accord. Ah, c'est pas propre. Ouais. Non. Alors, la main repasse. Là, il faut un mot supplémentaire. GG pour les super légers. Au bout de 10 mots, on arrête. Hein. Foule. Foule. Foule. Foule de people. Oui. Foule. Donc, oui, j'accepte ce mot. Plein de monde. Oui, ça aussi. Mais alors, inconnu. Oui. Insignifiant. Oui. Célèbre. Oui. Foule. Oui. Eh ben, allez donc. C'est insignifiant qui me tracasse. Oui, non, mais tu vois, c'est l'idée, le mec noyé dans la foule, perdu dans la foule, peut-être. Oui, oui c'est ça. Alors, pardon au casque du réalisateur. Et je ne sais pas, moi. Edith Piaf, imité avec la voix de Mireille Mathieu par Frédéric Oster. Emporté par la foule. Passe-moi les cartouches. Tu t'es remis à fumer. Alors, oh là là, anonyme. Ah, oh non. J'ai eu une fulgurance. Bon, alors, maintenant que Marco a vu comment ça fonctionnait, on va pouvoir faire donc une deuxième tournée. Cette fois-ci, alors là, tu fais passer le petit papier à Frédéric, puisque Frédéric va tenter de te faire découvrir. Voilà. La benditante. Voilà. Deuxième partie. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est Marco d'abord ou l'équipe des Mares de Vivre? C'est les Mares de Vivre d'abord. Déjà, c'est drôle. Oui. Ah oui, non, mais déjà, c'est drôle au départ. On y va, les gars? Ouais. On y va. Poisson. Carpe. Carpe. Carpe. C'est votre réponse? Ok. La main repasse. Vas-y. Soupe. Là, je crois que Marco Ponzani va se faire engueuler. Surtout que l'autre est en train de regarder, l'air de dire, mais là, si tu ne trouves pas ça, mon oui. gars... Attends, bouillabaisse. Ah bah oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Ah, j'ai eu peur. Hein. Moi aussi. Moi aussi. Oh la honte. Oh là là. Bon, alors, nous en sommes pour l'instant... Je savais pas ce qu'il y avait de drôle, c'est pour ça, tu vois. Non, c'est parce que tu n'as pas compris que quand Philippe a dit que les mots étaient anodins, c'était ironique. Oui, oui, oui. C'était des pièges. Oui. Bon, alors, pour l'instant, devinez c'est gagné. 2 points pour l'équipe des super légers. Score à remonter, mon cher Bob. Hein. 2 points. Ouais. On revient dans quelques instants. Excuse-moi, mais les scores, c'est la seule chose qui peut remonter à ce moment-là. Allez, on revient dans quelques instants avec Marco Panzani. Oui. Retour, on va se marrer avec Marco Panzani. Ouais, ouais, bravo. Bravo. Alors, juste avant la pause, c'était deviner c'est gagné. Toujours la deuxième partie de ce jeu. Et cette fois-ci... Excuse-moi, je pense que Bob voulait rebaptiser le jeu pour son équipe. Oui. Deviner c'est perdu. Non. Les fans de Bob du Quand club... Je pense qu'il était comme ça déjà tout petit. Oui. Ça, il n'y a pas eu un problème. Il y a eu un problème. J'ai bien connu ça, maman. Ah. C'est elle qui raconte ça. Oui. Il y a eu le feu dedans quand il était petit. Oui. Ils l'ont été un coup de pelle. Maintenant, il est comme ça. Mais on a eu la même nounou. Mais toi, elle t'a bercé trop près du mur. Oui. Allez, un mot pour Bob du club qui va tenter de le faire découvrir à Gérard. C'est drôle encore. Ah oui, déjà. Ouais. Est-ce que tu choisis de faire commencer Gérard ou l'équipe des super légers? L'équipe des super légers. Ça m'aurait étonné. Donc en général, t'inquiète pas, le premier mot, on va pas trouver. Ça veut dire, c'est vrai. Ça va être difficile. Graine. Courge. Et toi-même. Bon, non, non, mais attends, bon, que tu l'insultes, c'est un problème. Mais il faut trouver. Ah, ah d'accord, d'accord. Ah, ouais. Ouais, alors, graine. Châtaignier. Oula. Ah, bah oui. Ah bah voilà, bravo. Ouais. C'est limite, hein. Alors là, c'est interdit, ça. C'est limite. Ouh, monsieur l'arbitre. C'est limite, hein. Oui, non, mais enfin. Bon. Je te signale qu'on n'a pas le droit de dire le mot dans le mot qu'on donne. Oui. Châtaigne. Alors on se souviendra, Bob, que tu l'as accepté. On va le garder en archive. D'accord. C'est-à-dire que le jour où il y en a un qui va sortir la même chose, On va te la sortir, la châtaigne, oui, pour devant. Oui. Alors le dernier c'est mot. C'est honteux, monsieur Mello, c'est honteux, c'est un pauvre type. C'est moi qui le. Et voilà, c'est pour Marco. C'est moi qui le. Alors c'est Marco Panzani qui va tenter Bob, de faire découvrir ce mot. Je vois pas, hein. À Frédéric. Alors, est-ce que tu choisis d'abord de donner le premier mot pour Frédéric? Ah ouais. Ou pour l'équipe des Mars de Vivre? Les Mars de Vivre. Allez. Allez, allez Bob. Essence. Gasoil. Carburant. Ah oui, très bien. Carburant. Non. Alors un deuxième mot, la main passe pour Frédéric. Et on va dire contenant. Bidon. Oh là là là là là. C'est pas drôle. Là. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo Frédéric. Bravo Marco. Marco Panzani, c'est quand même un professionnel. Lui deviner, c'est gagné. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bidon, j'ai pas voulu vous vexer. Je voulais vous dire vous. Parce qu'il aurait. Tiens, Bobo, Marco Panzani. Panzani, c'est ton vrai nom ou... Ah, Panzani, c'est mon vrai nom, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile quand on a des noms connus. C'est vrai que, ou bizarre quand on est petit, quand on est à l'école. Hein. Mais c'est vrai. Il y en a qui ont des noms aussi, je me demande. C'est vrai. L'autre fois, j'étais à la poste et devant moi, il y avait une femme qui s'appelait Boudin. Non, mais c'est vrai, Boudin. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. Et là, alors, la guichetière, un peu gênée quand même. Boudin comme. Bah oui, comme vous. Hein. Non, mais. Non, mais... Non, mais on se marre bien à la poste en ce moment, c'est vrai, vous avez vu. Hein. Non, mais en plus, on voit des trucs incroyables. C'est vrai, impensable il y a encore quelques mois. Hein. C'est vrai, pour vous dire, l'autre fois, je faisais la queue. Hein. Bon, la reine est ordinaire, faire la queue, c'est normal. Hein. Non, c'est vrai, hein. Enfin, c'est devenu normal, quoi. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais ce qu'il y avait de bizarre, par contre, bizarre, c'est que devant moi, la personne qui faisait aussi la queue, c'était un facteur. Avec sa sacoche, son vélo, il faisait la queue. Bon, ça doit être un facteur qui se croyait privatisé. Quoi, hein. Bon, il arrive au son tour et là, quand même, je tends l'oreille et je voulais pas rater ça. Hein. Et il demande à son confrère, je viens chercher un recommandé. Alors le guichetier, vous aurez pu vous le porter. Hein. Alors, il dit, oui, je sais, mais j'habite au quatrième et que ce soit pour moi ou les autres, je fais pas la différence, je monte jamais. Hein. Allez, vous aussi, hein, c'est vrai. Hein. En plus, moi, je savais que j'étais pas là. Ah oui. C'est vrai. Non mais on m'envoie de tout la poste en ce moment. C'est vrai, non, c'est incroyable. Ben pour vous dire, l'autre fois je faisais des photocopies là, vous savez les photocopies là, à 10 centimes là. Hein. Et qu'est-ce que je vois dans la file d'attente? Deux mecs cagoulés. Ils faisaient la queue. Bon, un peu nerveux quand même. Hein. Ils piétinaient, ils regardaient l'heure. Bon, bon ils étaient pressés quoi. C'est vrai. Hein. Bon, ça se voyait bien qu'ils n'étaient pas là pour un dépôt quand même. Hein. Non mais ils étaient là pour un retrait. Voilà, non, non, mais des braquages comme ça, on en redemande. Ah non, oui. Merci, monsieur, dame. Alors, les guichetiers, ben, de rien, au plaisir. Hein. Ben, ils s'en foutent, c'est pas leur pognon. Hein. Mais c'est vrai. Non, mais ils ont raison. Non, mais c'est vrai, j'ai raison. Mais par contre, des fois, à la poste, ils s'étonnent que les clients aussi se font voler. Hein. Moi, ça m'étonne pas. Hein. L'autre fois, j'étais le dernier de la file d'attente et j'entendais au loin le guichetier parler à une mamie. Hein. Vous voulez bien 1200 euros? C'est vrai, non, c'est véridique. Alors la mamie, oui, mais je suis un peu sourde, mais doucement quand même. Déjà, le mois dernier, ma pension, je l'ai gardée 4 minutes. Non, mais heureusement qu'il y a le périmètre de confidentialité, c'est vrai, c'est très important. Hein. Alors, une autre dame aussi un peu plus jeune. Il vous reste 7 euros, qu'est-ce qu'on fait? Je vous les donne. Alors la femme un peu... Non, je vais prendre 4 euros et je garde le reste en cas de coup dur. Non, mais c'est vrai, je l'ai entendu, c'est la vérité. Non, mais ça sert à ça, les longues files d'attente à la poste. C'est pour voir la vraie misère, quoi. C'est vrai. Mm-hmm. Ben, en début de mois, par exemple, il y a ceux qui viennent chercher leur RMI, là. Hein, comment ça s'appelle ça? Ou RSA. RMI, RSA, ça évolue maintenant. Hein. Ouais. Ben, c'était mon cas, d'ailleurs, il y a quelques années. Hein. Et oui, ça faisait ça. Bonjour, il a été viré, mon RMI? Comment, presque? Ah, on est que le 10. Ah oui, d'accord. Trois jours plus tard, toujours rien. Si. Ah, je vais enfin pouvoir fumer une bonne clope. Hein. Il y en a marre de les rouler, je vous l'ai dit. Hein, ah non, par contre, monsieur, non, pas de billets de 100 euros, non. Ah ben non, personne ne les prend. Ah, c'est vrai. Hein. Comment vous avez que ça? Les commerçants sont obligés de les prendre. Ah bon? Ben donnez-moi deux timbres alors. Ah, je vais tuer. Ah, ça rappelle encore de moi. Hein. Ah, je t'ai que dingue. Hein. J'ai compris. Ah oui, mais qu'est-ce que je vous dis? Merci. Ah oui, j'ai oublié. Je vais prendre aussi un timbre de connexion pour un petit neveu. Hein. Ah oui, je vais choisir moi quand même. C'est vrai, on sait jamais. Hein. Non, pas celui-là. Non, pas le droit. Oh, celui-là, il est pas beau, celui-là. Oh, quoi que c'est. Oh, ça va, il y a du monde qui attend. J'ai pas attendu, moi, peut-être, hein. Ça fait une semaine que j'attends mon RMI, moi. Bon, donnez-moi celui-là. Donnez-moi celui-là. Mon emballé, c'est pour offrir, hein. Merci. Tenez, j'ai pas de monnaie, je suis désolé, hein. Merci. Ah oui, reste bien. Ah oui, j'ai oublié, le mois prochain, si je retombe sur vous, préparez des petites coupures, on gagnera du temps. Hein. Alors la suite, c'est au Triomphe à Paris, tous les jeudis à 19h. Le Triomphe, c'est une salle super sympa. Ah, on aime beaucoup cette salle parce qu'on aime beaucoup Mairie qui nous fait mourir de rire. Rue Blainville à Paris dans le 5e, c'est le métro Monge. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet, Marco. MarcoPanzani.com. Voilà, il y a des extraits et tout. Il y a des extraits vidéo, il y a tout. Mon téléphone. On sait tout de toi. Alors. Il y a tout. Bravo. Bon, alors, puisque Marco est en forme, on revient dans quelques instants avec une nouvelle tournée de blagues. Ah oui. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Marco Panzani. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. C'est justement Maurice qui vient de se faire faire une greffe de zibounette et qui a pris l'option de haricots rouges en guise de roubignol. Donc un mois plus tard, il retourne chez le médecin pour le contrôle. Le médecin l'auscule, tout a l'air de fonctionner. Et le médecin lui dit, il faut quand même que je vous dise la vérité, monsieur Maurice. Qu'est-ce qui se passe? Comme nous n'avions plus de haricots en stock, on a greffé deux oignons grelots à la place de vos testicules. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi je pleure quand je pisse et pourquoi je bande à chaque fois que je passe devant un Quick ou un McDo. Qu'obtient-on en versant de l'eau bénite dans les chiottes? Bah, de l'eau bénite mouillée. Un Saint-Siège. Et qu'est-ce qu'une Logan décapotable? Non, un oubli sur la chaîne d'assemblage. Vas-y, bon. Monsieur Marco Panzani, c'est là. Oui. Bah moi c'est un cul de jatte qui va au coiffeur et le coiffeur il dit qu'est-ce qu'on fait, on vous coupe les pattes. Allez, pas plus vite. Il foutait de ma gueule, vous voulez mon POQ ou quoi? Puisque c'est comme ça, je mettrai pied à pied chez vous. Alors moi j'avais deux ou trois petites mignonnes avec les blagues sur ta mère. Ah, mais ta mère. Dis donc, tu parles pas de ma mère. Si, ouais. Ta mère, elle est tellement moche que quand elle va à la banque, il coupe les caméras. Et alors, en plus, elle est tellement crade qu'elle fait toujours de la sangria le premier jour de ses règles. Bon appétit, messieurs, dames. Et alors pour finir... Elle est tellement grosse que quand elle met un t-shirt Malcolm X, les hélicoptères se posent dessus. Bien fait. Ça, c'est du grand Philippe. Hein. Bah, écoute, on voit. Elle n'est pas finie, si? Qui? La tournée de blagues, Bob. T'en veux une autre? Bah, une bonne. Ah, ben l'impossible, nul n'est tenu, Philippe. Alors, c'est un type qui croise un de ses copains dans la rue. Ah, salut Fred, comment tu vas? Ben oui, ça va bien, mon enfin bon. Figure-toi, ma belle-mère est morte cette semaine. Ah bon, elle est morte et qu'est-ce qu'elle avait? Ben, elle avait trois fois rien, deux chaises, une table, un buffet. Hein. Oh, bravo. Qu'est-ce qui est jaune et qui pique? Un chinois acupuncteur. Autre chose? Oui, Marco. Oui, hein. C'est un gendarme qui arrête un automobiliste et qui dit « Et le feu, vous l'avez pas vu? Et le rouge, qu'est-ce que vous en faites? Hein? Ben moi, je le bois. Hein. » Ouais, bon, c'est un bon bref. Hein. Alors, c'est dans le train, il y a un gosse qui pleure à fondre l'âme. Mais pourquoi tu pleures? Parce que ma mère, elle a pris un amant. Alors, enfin, il y a une bonne femme qui arrive, mais enfin, c'est pas grave, mon chéri, c'est pas une raison pour pleurer. C'est des choses qui arrivent, tiens. Tu veux que je te dise, moi aussi, ma mère, elle avait des amants. Est-ce que c'est pour ça que je pleure? Puis il y a tous les voyageurs qui passent. Mais oui, moi aussi, mon chéri, ma mère, elle avait un amant. Je m'en porte pas plus mal. Puis il y en a un autre qui passe. Ouais, moi aussi, ma mère, elle avait un amant. C'est pas... J'ai jamais pleuré. Ah! Mais moi aussi. Et puis il y en a un qui passe. Elle est dedans. Excusez-moi. Parmi tous ces fils de pute, il n'y en a pas un qui a du feu. Oh, les bonnes. Oh, oui, on l'a connu, celle-là. Et heureusement, en hommage à Marco Panzani ici présent, oui, nous avons des nouvelles de notre curé marseillais qui a décidé de prendre ses RTT. Ah, ah ouais, elle est bonne. Ah, c'est quoi? Bah, hein? C'est Frédéric. Ah, c'est moi, pardon. Ah, tu veux que je raconte cette vieille blague qu'on raconte depuis 35 ans. Exactement. Oui, mais c'est en hommage à Marco. Ah, pardon. Alors, c'est donc le curé Don Patillo, hein, qu'on connaît bien, qui décide de partir en RTT. Ah. Alors, il va voir l'évêque. Monseigneur, j'ai décidé de prendre mes RTT. Enfin, vous n'y pensez pas, Don Patillo. Un curé, ça prend pas de RTT. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes pas en 35 heures. Donc, écoutez, c'est comme ça. Ça fait 45 ans que je me dévoue pour ma paroisse. Je prends mes RTT. Oh, l'évêque, il est sur le cul, hein, même. Tout évêque qu'il est. C'est pas la première et, fois. Oui, mais là, c'est sur le sien. Il s'est assis sur sa bague. On l'appelle Pierre. Pierre Sabag. Bien sûr. Et donc, Don Patillo finit par partir au RTT. Et l'évêque, enfin, il va pour. Et l'évêque dit dis donc, Don Patillo. Et pour les sacrements, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, Monseigneur, c'est très simple. Pour les mariages, j'ai tout repoussé à 15 jours. Pour les baptêmes, pareil. Mais pour les enterrements, on les met au frigo, on attendra que je revienne. Et puis, et pour les confessions, pour les confessions, j'ai formé mon bedeau. C'est lui qui fera les confessions. Bon, allez-y, partez, qu'est-ce que je vous dis? De toute façon, il s'en va. Le bedeau se met dans le confessionnal et il attend les gens qui viennent se confesser. Première confesser, c'est une jeune femme. Mon père, je viens vous dire, parce que j'ai péché, j'ai couché avec le fils du boucher. Oh. Oh, bah, alors ça, c'est très grave. Alors, il prend ses notes. Alors, péché mortel, alors vous direz 10 pâtés, 10 avés, 3 tours d'église. Ah, bon, d'accord. Suivant, mon père, j'ai pêché, j'ai volé des pommes dans le verger de Monsieur Mouchelet. Ah, alors ça c'est pas grave ça. Vous direz un pâté, un navet et un tour d'église. Ouais. Et ça défile comme ça, puis il y en a une qui a... Mon père, je viens vous voir, j'ai pêché parce que j'ai fait une gâterie au pharmacien. Il est obligé de faire du montage là, hein, quand même. Idiote. Donc, laisse-moi finir. Voilà, même à distance, il nous emmerde. Ah, c'est Fred qui même parle, à distance, il nous emmerde. Donc, une petite... ils avaient fait une gâterie. J'ai pas ça. Il regarde ses notes. Oh, j'ai pas une gâterie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas une gâterie. Vous avez pas fait autre chose? Non, j'ai rien fait d'autre. Non, juste ça. J'ai fait une gâterie au fil du pharmacien. Et alors, il sait pas. Donc, il sort du confessionnal. Il y a un enfant de cœur qui passe. Il fait, dis donc, le curé, qu'est-ce qu'il donne pour une pipe? Et le môme qui répond, un bounty. Alors, pour conclure cette tournée de blagues, une bonne nouvelle, car nous avons, je crois, en ligne, Maurice. Ah, bonjour à tous, comment ça va les vieux copains? J'ai cru qu'il allait dire les vieux connards. Moi aussi, je voyais là. Alors, Maurice, on est en pleine tournée de blagues. Notre invité, c'est pas vrai. Ben si, alors notre invité Marco Panzani s'est déplacé exprès du Triomphe à Paris pour avoir la fabuleuse blague du Zébu. Ah oui. Mais la blague du zébu, je ne l'ai pas parce que là, je suis en voiture, mes amis. Bah, t'as plus de cerveau? Ah. Bah, elle est facile, la blague du zébu. Il n'y a pas besoin de notes. Jamais eu ça, oui. Ah, bah, si, oh, si. Ça, quel est le... Je sais même plus les paroles, là, déjà, encore. Ah, bah, dis-nous la musique, alors. Bien bu, hein. C'est bien pour ça que je ne me rappelle pas des paroles. Ah. Mais... Alors, quel animal quel est l'animal qui est... Qui n'a jamais... Qui boit beaucoup, non, c'est ça? Mais non, non, c'est mais non, justement, c'est l'inverse. Ah, quel est l'animal qui ne boit pas beaucoup? Voilà. Alors, non, on sait pas, quel animal? C'est le zébu. Ah, et pourquoi? Eh ben, ça, le zébu, quand... quand j'ai zébu... Non. Voilà. Non, pas quand j'ai. Bon, tant pis. Hein. Ah bah c'est bien la peine de payer du téléphone depuis Los Angeles pour entendre ça. Hein. Eh oui, non, mais ça, je m'en fous. Ça, c'est la station qui paye. Alors, voilà. Oui, nous aussi, on s'en fout. T'es pas à Los Angeles, t'es à la Garenne-Colombe. Alors, ferme là. Bon, alors, Maurice, on te souhaite par avance une excellente soirée. Oui, et à vous aussi. Hein, et on s'en verra hein, quand je serai de retour de l'étranger. Ben si, on peut pas faire autrement. Bon, eh bien, bon courage. Et j'embrasse tout le monde et à bientôt. Et nous, on t'emmerde. À bientôt, Maurice. Oui. Prends ton temps pour revenir. Sur toi. Allez, on applaudit Maurice. Allez, ah oui, bientôt, à l'étranger ou à Sainte-Anne. Ah oui. Allô, c'est... Maurice. Il a raccroché. Je crois qu'il était en Haïti. Le vieux séisme. Oui. Bon, eh bien, après cette fabuleuse tournée de blagues, avant d'avoir dans quelques instants le petit quiz de Frédéric Costet sur l'antenne. Qui n'a jamais soif. Le vieux zébu. Eh bien, nous allons réviser la blague de Maurice et revenir dans quelques instants avec Marco Panzani. Retour, on va se marrer avec Marco Panzani. Marco Panzani qui est à l'affiche du Triomphe à Paris et dont vous pouvez retrouver toutes les dates de tournée chez vous sur son site internet. MarcoPanzani.com. C'est facile, hein, ça y est. C'est facile. Voilà. Alors, juste avant la pause, je vous ai annoncé le petit quiz préparé avec amour par Frédéric Auster. Viens donc voir mon petit quiz. C'est quoi ce quiz, Frédéric? Alors, cette semaine, je vais vous faire essayer de vous faire trouver des numéros 1 du top 50. Ah. Il va y avoir 9 extraits de chansons. Le dernier, je vous l'accorde que si vous ne trouverez pas le nom de toute façon, ben c'était pour le fun. Donc je vous autorise à me dire ce que c'est comme chanson. 9 extraits de chansons. Ils ont tous été numéro 1 en top 50 dans les années 80. Et il faut retrouver le nom du chanteur. Papier, crayon. Yes. Alors par contre, on note et on donne les réponses après, c'est ça? Ah ben on voilà. ne les dit pas au fur et à mesure. Ah ben non. Chez vous aussi, attention. On écoute tout d'abord et après on vous dira. Donc il y a 9 chanteurs à trouver. Le premier, Bob, c'est le jingle. Ah d'accord. Je fais attention. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. On démarre une autre histoire. On démarre une autre histoire. Rouge et noir, c'est vraiment. juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Alors, Panzani qui fait son Bob du club. Mais... Non, je le reconnais pas celui-là. Bah non, c'est le jingle. Alors tu as une note, donc il faut donc le nom de l'artiste et voilà. Le nom de l'artiste et l'année de la mort de l'artiste. Ah, c'est non, bah, artistiquement pour beaucoup. J'en ai marqué une, elle est vivante. T'as, t'en as trouvé combien, Marco? Entre deux tucs. J'en ai trouvé deux sûrs, je pense. Deux. Oh là. Pas mal. Mais je les connais tous quand même. Alors, ouais, pour Révi, 7 pour GG, Bob. Qui dit mieux ? Moi, j'en ai marqué deux. Ah, ouais. Je suis un peu comme Monsieur Panzani. Oui. J'ai reconnu tout. Mais tu te souviens pas comment ah, il... Bon, alors, donc, pour l'instant, nous allons voir la décomposition. Et je crois que Bob a trouvé le premier. Oui, ah. C'est Gold. On vérifie. Enfin, il me semble avoir reconnu Gold. Comment on fait là ? Et là, alors, là, donc là, c'est... Gold. Non. Non. C'est non. Image, image. Non, non. Image, là, ce voilà. Qu'on vient d'entendre. Ah, ça, c'est le jingle. Le jingle. Ah, merci, Marco. Ouais. Bob, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi qu'on lui fait le coup. Veuillez m'en excuser d'avance. Même après. Bon, alors là, donc, tu dis quoi, Bob? Gold. Je vais pas le dire 50 000 fois. Mais... C'est ça? Et alors, Marco, tu dis quoi, toi? Image. Ah oui, plutôt. Hein. Ah, c'est, oui. Image. C'est le groupe Image. Oui, un peu de son. Alors DJ. Allez DJ. Alors là, c'est ça, c'est Gold alors. Ça c'est pas Sabrina là. Sabrina. Oui. Oh, oh. GG. Spécialiste en gros sein. Ah oui. Ah oui, alors là il faut Stéphanie donner le nom. Monaco. Le nom d'artiste, ah, oui. Le nom d'artiste. Et bah Stéphanie. Bah, Stéphanie. Stéphanie. Bonne réponse Marco. De Marco Panzani. Sabine Paturel. Oh bravo. Oh là, comment t'as dit? Sabine Paturel, elle s'appelle. J'arrivais pas à me rappeler de son prénom. C'est elle qui doublait JR. C'est quel numéro? Non, c'est Dominique Paturel. La 4. Alors là, la 5. C'est Blanc. Gérard Blanc. Gérard Blanc. Ah, bonne oui. Réponse de GG et Marco. Il est décédé, le pauvre. Oui. Il faisait partie des Marco. Exactement. C'était le chanteur des Martins. Alors, on peut couper. Juste, si vous avez la TNT. Je crois que c'est, je sais pas s'il passe encore, mais c'est sur une des chaînes qui diffuse des films 3-4 fois. Il passe un film, Les Bidasses, une connerie, avec les Martin Circus. Ah et bon donc vous verrez Gérard Blanc. C'était pas les Charlots. Et c'est un, il y a eu les premiers films avec Les Bidasses, quelque chose, c'était les Charlots. Mais 2-3 ans après, il y a eu un truc avec les Martin Circus. Et c'est un des sommets quand même du navet à la française. Ah oui. C'est tellement con que c'est drôle. Oui, t'enregistres, j'imagine. Comment? T'enregistres. J'enregistre, je classe, je garde, je. Je suis un spécialiste du navet, moi, monsieur. Ah. Oui. Non, c'est alors, le 6, ça. C'était le 5. Là, c'est le 6. Jeanne Masse. Ouais, ça, c'est même pas la peine de le dire. C'est que c'est tous. Oui. Jeanne Masse. Ah, c'est Jeanne Masse. Oui, c'est que vrai. Tous ceux qui ont vu mon spectacle reconnaîtront. Alors, en 7, c'était là, un peu la Jeanne Masse américaine. Oui, c'est Madonna. La Madonna. Madonna. Ah, là, tout le monde l'a trouvé, là. Oui. Ah oui, Bob a trouvé quand GG lui a soufflé. Voilà. Le titre de la chanson? La Isla Bonita. Ah, le Belge, le copain de Moran. Enfin, le copain, l'ami. Enfin, le... Oh, on peut dire qu'il a écrit quelques. Il est... Ses chansons ne sont pas des fables. La Fontaine. Bonne réponse. Philippe La Fontaine. Bravo Bob du club. Bravo Philippe La Fontaine. La Fontaine. C'était le générique du Top 50. C'était une chanson qui s'appelle Dream de Pilayon. Mais bravo GG. Voilà. Et alors, si on pouvait, bon, en playback c'est peut-être trop tard, mais quand j'ai annoncé hors antenne avant, parce que je dis toujours ce soir je vous fais un quiz top, et j'ai dit ce soir je vous fais un quiz top 50, et Bob tout de suite a fait pam pam pam pam pam pam pam pam, voilà, il a fait ça. Voilà. Bon. C'était le générique du top 50, je suis désolé. Eh bien, comme dirait quelqu'un qu'on a bien connu, oui, tout le monde a gagné. Ah. Ah. Et comme dirait aussi quelqu'un qu'on a bien connu, paix à son âme, tout le monde a gagné. Bon, il reviendra. Ah merde. Oui. Bon, alors dans quelques instants, une nouvelle épreuve. Et nos auditeurs attendent avec impatience également un nouvel extrait du spectacle de Marco Panzani. Ah, soyez patients, ça va venir. Allez, on revient dans quelques instants avec Marco Panzani. Oui. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Marco Panzani. Ouais. Alors Marco Panzani, le One Man Show, le Triomphe à Paris tous les jeudis à 19h. Le Marseillais de service. Tiens, à ce propos, tu redescends souvent à Marseille, non? Bah, très souvent. Hein. Ah, le TGV, j'imagine. Un TGV, bien sûr. C'est vrai qu'en parlant de TGV, j'ai remarqué un truc dans le TGV, c'est que dès que le train démarre, vous savez pas ce qu'ils vendent les gens. Ils mangent. À n'importe quelle heure, c'est sympathique, ils mangent. Oh, vite, vite, ils sortent leur sandwich à l'omelette, hein, bien emballé dans des papiers aluminium. La petite bouteille d'eau aussi, hein, entourée de papier aluminium. Pour pas faire voir qu'à l'intérieur, ils ont mis du vin rouge. Hein, alors qu'ils auraient pris une petite bouteille de coca en plastique, on n'aurait vu que du feu. Hein. Et puis on s'en fout. Hein. Oui. Et en dessert, en principe, c'est toujours une orange, une clémentine, une connerie, quoi. Avec une bonne odeur, hein, mais chiante. Et mange. Non, mais là, qu'ils sont bien équipés. Hein. Moi, j'avais une table de 4 à côté de moi, une famille. Hein. Vous savez, les tables de 4, là. Mais hein, non, en face, là. En face, ouais. Ouais. Ils se disent, oh, ils sont bien, une famille, quoi. Ils avaient un petit réchaud. Ils avaient fait des steaks. Ah ouais. Oh, une fumée dans le wagon. Bon, c'est interdit de fumer, mais ils n'ont pas dit que c'était interdit de cuisiner. Hein. Non, mais c'est vrai. Alors moi, je voyage souvent seul. Je sais que si je veux pas être embêté, j'ai pas intérêt à tomber sur la place côté couloir ou mettre côté fenêtre, oui. Parce qu'à chaque fois que la personne se lève à côté, ben il faut se lever aussi. Hein. Bah oui. Oh, une fois, je tombais sur un mec un peu agité. Hein. Il arrêtait pas d'aller et venir. Sur 3 heures de trajet, je suis passé 2 heures debout. On pouvait plus. Hein. Ah oui. 2 heures debout plus 1 heure à me prendre des coups de coude par toutes les personnes qui allaient et venaient du wagon restaurant. Hein, ah, oui, oui. Plus, j'ai oublié, plus un café dans la gueule. Ah. Non, mais je reconnais que c'est pas facile de marcher dans la TGV. Hein, c'est vrai. Ça, oui. Et vous avez vu comment on marche dans la TGV. Hein. Hey, je comprends pas que la technologie actuelle, ils n'ont pas trouvé un système où l'on puisse marcher normalement. Hein. Même un mec bourré, il passe inaperçu. Hein. Non, mais c'est vrai. Et pour aller aux toilettes, même combat. Hein. Vaut mieux y aller à jeun. Hein. Non. J'imagine une personne âgée ou quelqu'un qui ne tient pas bien sur ses jambes. Il doit se faire baloter dans les toilettes. Mais c'est pour ça que c'est tout petit les toilettes. Ça serait plus grand, les gens ne pisseraient jamais. Hein. C'est vrai. Ah oui, un petit conseil par contre. Avant de prendre du savon, toujours vérifie si c'est encore de l'eau. Hein. Hein. Non, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé de finir le voyage avec des mains autocollantes. Hein. Plutôt. Hein. Alors là, c'est fini. Tu peux plus rien faire. Hein. Tu peux plus manger. Tu peux plus téléphoner. Tu peux plus. Oh, remarquez, c'est vrai que téléphoner, ça serait qu'il y en a qui seraient bien qu'ils arrêtent quand même. C'est vrai, non, non. C'est vrai, c'est insupportable. Moi, j'envie par contre les personnes qui parlent doucement au téléphone. C'est vrai, non, t'es à côté de la personne, t'es dans rien. Mec, hein? C'est vrai. Par contre, le mec est un peu plus loin. Oui, allô? Ben, dans le train, ouais. Ben, on mange, hein. Moi, je te rappelle. Hein? Et le mec à côté. Attends. Je l'ai pas payé en plus. Non, c'est vrai. Et le mec à côté. Là que tu veux entendre ce qu'il dit, t'entends pas. Hein. C'est vrai que c'est agaçant. Ouais. C'est vrai. Sans compter ceux qui ont les ordinateurs. Hein. Ouais. L'autre fois, il y a un mec qui regardait un film sur son ordinateur et toute l'allée le regardait avec lui. Hein. Ah oui, alors ça arrive quand quand il y a beaucoup de monde que les contrôleurs ils contrôlent pas, c'est vrai, hein, ouais. C'est trop compliqué, hein. Bah oui, c'est trop dur à passer. C'est trop dur à passer. Donc. Et pour trouver les contrôleurs, si on en a besoin, c'est facile, c'est au bar, hein. Et le bar pour le trouver, c'est encore plus facile, et c'est toujours entre la première et la deuxième classe. C'est vrai. C'est, hein, c'est systématique, hein. C'est vrai, oui. Ouais. Et pour et quand on est au bar pour savoir où est la première de la deuxième classe, c'est encore plus facile, hein. Les gens venant de droite, c'est la première classe, et les gens venant de gauche, c'est la deuxième classe. Ou vice versa. Hein. Non, mais c'est pas politique, hein. Première, deuxième, en fait, je sais pas. Mais ce qui est dommage, c'est que le bar du TGV sépare les classes. Alors que les bars en ville, ils les rassemblent. Hein. C'est vrai. C'est beau, ça. Hein. J'aime bien. Ouais. Celle-là, faut la garder, elle est bonne. Ah, je la garde. Ouais. Ouais. Elle est pas drôle, mais bon, je la garde. Ouais, mais elle est mouvante. Ouais, c'est mouvant, c'est vrai. Ouais. Ah oui, j'ai pas parlé des tarifs. Les tarifs. Ah. On comprend rien. Hein. C'est jamais les mêmes tarifs. Hein. C'est vrai. Tarif plein, tarif creuse, tarif heure de pointe, on comprend rien. D'une heure à une autre, des fois, c'est le double. C'est vrai, on comprend rien. Et il y a des forfaits aussi, comment ça s'appelle, les forfaits, là. Là, on comprend encore moins. Hein. Forfait train plus auto, forfait train plus hôtel. Moi, des fois, j'ai eu droit au forfait train plus agression. Non, mais là, j'ai compris, là. Et pourtant, moi, j'ai appris juste le train. Hein. Bah, oui. C'est comme ça, c'est cadeau. Quand c'est un voyage de nuit, c'est un peu plus long, il t'offre l'animation, quoi. Hein. Bon, allez, bon voyage, hein. Alors, la suite, c'est sur SEM, au Triomphe à Paris, métro Monge, tous les jeudis à 19h, Marco Panzani, et bientôt chez vous pour en savoir plus. Le site internet avait les extraits du spectacle, les infos. Ça y est, il a pris l'accent. Et le site internet avait les extraits. Commence pas à m'emboucaner. Oui. MarcoPanzani.com. Et on applaudit encore parce que. Bravo. C'est sympa. Alors, comme Marco est bien chaud, je pense que nous allons pouvoir avoir une dernière épreuve pour des points. Et cette dernière épreuve, c'est le multi-quiz. Ah oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans l'émission, Philippe oublie les consonnes. Hein, c'est donc la dernière épreuve maintenant. C'est ce que tu viens de dire quand même. Alors, le multi-quiz, c'est simple. Je vous propose des questionnaires au choix oui. À chaque équipe. Oui. But du jeu en 1 minute 30, répondre au plus grand nombre de questions pour marquer des points. Mais chaque bonne réponse, c'est un point, Bob. Eh ben oui. Voilà. Alors, Bob, comme tu vas pouvoir commencer, tu vas pouvoir choisir plusieurs questionnaires avec GG, bien sûr. Si vous arrivez à le réveiller. Donc, tu as un questionnaire Georges Brassens, les fromages, les préfectures, les quoi ? Les préfectures, un questionnaire sur Paris, Stargate Atlantis. Ah oui, c'est vrai. Mais celui-là, je crois que tu peux le ranger. Je vais l'effacer, je crois que définitivement personne ne veut le prendre. Je crois que personne ne le prendra jamais. Je brûlerai. Alors, Bob et Gégé. Moi, je ne sais pas, je réponds à rien. C'est Bob et Gégé. Tu réponds à quoi, toi ? Paris ou les préfectures, peut-être. Comme tu le sens. Paris ou les préfectures ? Allez, mettons Paris. Allez. Alors, un questionnaire sur Paris. Vous connaissez la différence entre une Vierge et Paris ? Une Vierge et Paris ? Oui. Paris sera toujours Paris. Eh oui. Merci. Elle est bonne, celle-là. Attention, 1 minute 30, marquez le plus grand nombre de bonnes réponses. Hein. Attention, c'est important, Bob. Hein. Oui. Attention, top chrono. Combien de marches compte la Tour Eiffel ? Trois propositions. 1665. 2065 ou 1565. 1565. C'est bien ça. 1565 et non malheureusement c'était 1665. Ah, combien d'arrondissements combien d'arrondissements compte Paris? 20. Bonne réponse. Ça c'était ça va. Ça alors, combien y a-t-il de stations desservies par le métro parisien ? Je précise que mon questionnaire est jeune. Je crois que c'est 300. 300, 400 ou 200 ? 300. 300, il dit GG. Bonne réponse. Merci GG. Combien y a-t-il de lignes de métro ? 12. 6, 16 ou 26 ? Non. 16. Oui, 16. 16 lignes, c'est une bonne réponse. L'Opéra Garnier a été construit sous Napoléon III, sous Louis XV ou sous Louis-Philippe Ier. Napoléon III. Oui, Napoléon sous III. Napoléon III, bonne réponse. Que trouve-t-on sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame ? Des touristes. Le kilomètre zéro des routes françaises. Le kilomètre zéro. Oui. Kilomètre zéro. Bonne réponse. Monsieur Panzani, on se calme, s'il vous plaît. Quel est le mode de transport le plus reconnu, le plus dangereux à Paris ? Le taxi, le Vélib ou le bus? Les pitons. Celui où il y a le plus d'accidents. Le Vélib. Oh, c'est le Vélib, oui. Le Vélib. Mais y a bonne le... réponse. Oui, c'est le Vélib. Bah, ils conduisent n'importe quoi. Eh bien, vous avez. Je crois que c'est le Vélib parce que le truc, c'est que les gens qui sont. Mais attends, en vélo... mais ils rentrent même pas dans leur case. La profession la plus dangereuse à Paris, c'est coursier. Oui, oui. Non, mais si, bonne réponse. Hein. Les gens qui sont en vélo, les gens qui sont en vélo, sont des gens qui font du vélo et qui ont l'habitude de faire du vélo. La plupart des gens qui font du Vélib, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo. Et donc, c'est très dangereux. Sur 7, ouais, ouais. C'est ça. Je sais pas combien, mais vous avez bien travaillé. Hein. Oui, oui, 6. Alors, l'équipe des super légers, Marco Panzani et Frédéric Coster, vont avoir le choix. Le Marco va pouvoir répondre. Entre... Est-ce qu'on a le droit de rigoler quand Marco se trompe? Alors, vous allez avoir le choix entre Georges Brassens. Bon questionnaire pour vous, ça. Stargate Atlantis. Ah, c'est excellent. Les préfectures. Ça aussi, puisque vous n'avez, vous n'avez pas, puisque ça n'avait pas été choisi. Non. Paris, on va prendre Paris. Un questionnaire culture générale également disponible avec des questions diverses de culture générale. Quel âge à Maurice. Non, mais là, c'est archéologie. Là. Et puis c'est tout. Oui, moi je pense alors, plutôt parce que les autres. Et il nous reste un questionnaire Tintin qui n'a jamais été pris. Mais oui, mais moi je connais pas Tintin donc. Et Milou. Oui. Bah, alors culture générale, on dit, hein, Marco. Ouais, je pense que. Allez. Ouais, alors culture générale en une minute. Comment? Je crois qu'on l'avait pris Tintin une fois. Non, je crois pas. Non, vous l'avez jamais pris. Vous avez jamais voulu le prendre. À tort, parce que le questionnaire est facile. Soyez poli. Bon, bah vas-y. Alors attention, 1 minute 30. C'est parti. Avec quoi devrait-on manger le foie gras? 3 propositions, une pelle à tarte, une cuillère ou une fourchette. Je te laisse dire au hasard ce que... Une cuillère. Non, c'est une fourchette. Avec une cuillère. Alors, je le il y a-t-il de planètes? J'ai pas les moyens d'acheter une foie gras. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Un certain nombre. 8, 9 ou 10? Marco, c'est à toi le hasard ce coup-ci. 9. Ouais, bravo. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est 8, Bob. Et oui, ils en ont enlevé une. Ah, il y en a une. Il y en a une, c'est plus une planète. Je ne sais plus laquelle. Non, mais il y en a 10. On perd du temps. Quelle est la vitesse maximale existante? La vitesse synaptique, la vitesse protonique ou la vitesse de la lumière? La lumière. J'ai pas compris la question. En tout cas, bonne réponse. Aux environs de quelle année le Moyen-Âge a-t-il pris fin? En 1500, en 1714 ou en 1492? En 1500. En 1500, oui, bonne réponse. TTC. Warren Buffett, l'homme, l'homme le riche plus, sur Terre, détient 49 milliards de dollars, 56 milliards de dollars ou 62? 62 milliards. Ouais, 62. Allez. Bonne réponse. De quoi Bob Marley est-il mort? D'un cancer, d'un concert ou d'une overdose? D'un cancer. Bonne réponse. D'un cancer. Quel est le premier film de Luc Besson? Le dernier combat, Subway ou le Grand Bleu? Le dernier combat. Le dernier combat, bonne réponse. Bonne réponse. On continue. Ah, c'est fini? Eh oui, c'est fini, eh oui. On est pas mal, non? On est pas mal, hein? Ah, oui, oui. Ah, on s'est rattrapé vers la fin, hein, je pense que... Eh bien, le total de cette partie, c'est 5 bonnes réponses. Non. Eh oui. Et pour nous, on a fait 6. Et vous avez fait 6. Eh, vous avez marqué. Bisque, bisque. Donc, 6 points pour l'équipe. Pour l'équipe des mal de vivre et 5 points. Des marres de vivre. Des marres de vivre, oui. Bah oui. Et 5 points pour. C'est Barbara. Ça ne prévient pas, ça arrive. Et 5 points pour l'équipe. Oui, bon, c'est eux qui ont le point. Qui... Voilà. C'est... Merde, on va parler comme Maurice maintenant. C'est eux qui ont le point. C'est eux qui ont le point. Donc dans quelques instants, nous allons faire les totos. Oui, mais et... moi, Philippe, je suis pas. Le jeu a été mal fait. Oui. Moi, je propose que pour ce coup-là. Oui. Refais le match. Eh bien, malheureusement, on n'aura pas le temps. On revient dans quelques instants avec Marco Panzani. Ouais, tout ouais. Retourne, on va se marrer avec Marco Panzani. Ouais. Alors, Marco. Ah oui, en fait, On parlait tout le temps de Maurice, Maurice, je vois, mais qu'est-ce qu'il fait à part foirer les blagues, quoi, Maurice, eh bah, à part foirer les blagues, quelquefois. Okay. Ça m'intéresse quand même. Oui, et quelquefois, il les rate aussi. Ah, il rate aussi. La preuve. Alors, Maurice. Une nouveauté, hein. Quel est le numéro des marins-pêcheurs? Numéro de quoi? Numéro de téléphone des marins-pêcheurs. On ne sait pas. On ne sait pas. Là-bas, c'est un 02 là-bas. 118-218. Pourquoi, hein? 118-8 et 218-8. Ah oui, donc 118, 218. Là, c'est plus drôle, tu vois. C'est pas des marins-pêcheurs. Maurice! Mais Maurice, mais fais un effort! Oui. Mais le pire, c'est qu'il fait des efforts! Non, il va nous refaire la fin! Non, mais la fin! Au moins, non, mais si, la Maurice, fin! Maurice, quand il est comme ça, il est à fond! Là. Mais non, mais la fin, au moins, pour qu'on ait un truc correct! Parce que je vois, tu vois l'ampleur des dégâts! Pourquoi les marins pêcheurs? 118, 218! Oui, mais les marins pêcheurs ne font pas. 118, 218! Voilà, il y a des ostréoculteurs qui font des... Oui, mais c'est Philippe qui lui a passé la blague. Oui, alors, donc c'est là qu'il faut que tu te plaignes. Voilà, c'est là-bas, hein. Alors, Maurice, une petite blague. Quel est le numéro des marins pêcheurs? Non, non, c'est pas... Dis des ostréiculteurs, c'est plus drôle. Des ostréiculteurs. Ah oui, oui, t'as raison. Ah, oui. Alors, Maurice, une petite blague. Oh, merde. Quel est le numéro des ostréiculteurs? C'est une catastrophe nationale. 118, 218. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On peut l'applaudir quand même. Bravo, Maurice. Bravo, Maurice. Ouais. Bon, alors, Marco, c'est pas le tout de se foutre de la gueule de Maurice, mais maintenant il va falloir faire mieux que lui avec la dernière tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. C'est un type qui est un belge, qui discutait avec un de ses copains au café. Oh, bah dis donc, hier soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma femme au plumard avec un chinois. Avec un chinois? Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Bah rien, moi je parle pas chinois. Oh, elle est bonne. Oh oui. Oh, elle est merci bonne. Maurice. Ah non, il a pas foiré. Mais oui, c'est vrai. Dis papa, c'est quoi la différence entre la richesse et la pauvreté? Ah ben alors, la richesse, c'est le caviar, le champagne, les femmes. Hein? Et la pauvreté, c'est les sardines, la bière, ta mère. Oh. C'est une blonde qui rentre dans le cabinet d'un médecin. Bonjour docteur, il paraît que je suis nymphomane, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, si vous me lâchez la bite, je pourrais vous donner l'adresse d'un bon spécialiste. Alors Marco Panzani. Ah oui, moi j'ai la nostalgie des petites blagues quand on était petit, et les blagues de Toto, je vous en rappelle. Ah oui. Donc tout à l'heure, t'as parlé des Toto, et c'est Toto que sa mère allait acheter un vélo, et il fait le tour de sa petite maison, et il dit à sa mère, ouais, maman, regarde, sans le bras gauche, il dit, tu vois. Ils ont fait un tour, il dit, maman, regarde, sans les deux bras. Il refait le tour de la maison, maman, sans les jambes, regarde. Il refait un tour, maman, regarde, sans les dents. Alors, donc, il faut quand même faire le. Oui, il y a quand même un concours ce soir. Oui. Et donc, avec des points. Et vous avez donc marqué des points toute la soirée. Alors, je dois donc annoncer d'ores et déjà à nos auditeurs qui ont fait les paris, parce que c'est vrai qu'il y a les auditeurs qui font les paris dans l'émission. Et je dois annoncer que l'équipe des Marres de Vivre, Bob du Club et GG, ont marqué 8 points au total. Et alors, c'est quand même un exploit. C'est un record. Cependant. Voilà, l'équipe de Frédéric Coster et Marco Panzani ont marqué. Les poids légers, là. Voilà, 9 points. Ah ouais, oh, oui, mais nous, on ne pas. Nous aurons le triomphe modeste. Ah, vous êtes modeste. Ils sont malins, les deux gros, là. Oui. Jaloux. Bon. Ah oui, parce que. Une petite dernière pour la route. On n'est pas mal, c'est vrai. Allez, Allez, pour me faire pardonner une petite dernière pour la route, c'est la même blonde qui va chez le psychiatre et qui, bon docteur, j'entends des voix. Ah, et qu'est-ce qu'elles vous disent ces voix? Elles me disent, toi, t'es une vraie petite salope. Ah, bon, écoutez, mettez-vous les... installez-vous sur le divan. Une demi-heure plus tard, le psychiatre remonte sa braguette. Toi, t'es une vraie petite salope. Bon, alors vous avez eu plusieurs extraits dans l'émission. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est courir au Triomphe à Paris dans le 5e métro Monge tous les jeudis à 19h pour voir le spectacle de Marco Panzani. Pourquoi suis-moi ? Donc, si vous voulez en savoir plus sur le spectacle de Marco, les extraits et les dates, c'est sur son site internet marcopanzani.com. Encore une fois, merci Marco et tu reviens quand tu veux. Et merci à vous. Merci beaucoup. On va remercier Bob du club. Bravo. Oui, salut les filles, à salut bientôt. Bob. Merci à Gégé. Oh, à Frédéric Coster. Ah, magnifique. Dont les extraits sont toujours aussi sur internet. Oui. MySpace. Non, c'est sur YouPorn maintenant. MySpace.com, Frédéric Coster. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Ah, et oui. Je vous remercie de ne pas avoir parlé d'Emeric Marchand ce soir. Merci à Davy qui a réalisé cette émission. Bravo Davy. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur internet pour avoir les émissions, les vieilles émissions, etc. sur onvasemarrer.com. Ça, c'était la première. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes. Ah oui. Vous tapez On Va. Alors, il y a On Va se gêner et il y a On Va se marrer. Vous pouvez vous abonner aux deux, mais c'est surtout chez nous qu'il faut s'abonner. Tout à fait. C'est ça, gratuit. C'était le 2. Parce que c'est diffusé l'émission. Mais oui. C'est pas, non, c'est pas pour rire. C'est, c'est pas seulement en interne. C'est entre nous, nous. Non, on fait aussi l'externe. Ah, d'accord. Et, chose, et, puis, et sur Facebook, oui. Le Facebook, le groupe Facebook de l'émission, le groupe On Va se marrer, voilà. Où vous retrouvez les infos de nos invités, les photos de l'émission et tous les podcasts aussi. On a voilà. Tout dit. On a ça, tout dit. C'était le 3. Voilà. Eh bien, merci de votre patience. Rendez-vous la prochaine fois. Ouais. Salut.